Chapitre 4. Ici, les documents font absolument défaut à l'historien. Ce qu'il sait bien, c'est ceci. Le lendemain, bien avant l'aurore, Janina s'envola comme un oiseau qui ne bat que d'une aile, ou plutôt, pour parler en prose, elle s'habilla en toute hâte vers 4 heures du matin, l'heure où elle savait que son mari s'échappait des bras de la faramineuse. Sa longue pelisse cachait sa tête comme son corps, mais elle ne se trouvait pas encore assez cachée pour sortir de chez une fille et pour rentrer chez une honnête femme. Rentra-t-elle chez une honnête femme? Fut-elle vraiment bien surprise quand sa fille de chambre lui dit, tout ébahie, de la voir rentrer si tard sans être en toilette de bal? Madame sait-elle que monsieur est revenu de très bonne heure avec une fièvre de cheval? Fût-ce pour Janina le manet, Tessel, Farès, venant la surprendre dans l'enivrement de son triomphe ou de sa défaite, savait-elle à ce moment que le beau prince entrevu en photographie dans le vulgaire roman que lisait la faramineuse avait pris, nouveau Jupiter, les plumes et le nid d'Amphitryon? Je ne sais par quelle indiscrétion l'histoire courut vaguement, sans toutefois qu'on arrachât les masques. Ce qui est certain, c'est qu'une amie de la faramineuse lui dit un jour: « On prétend que tu as touché 10 000 francs pour rapatrier une femme avec son mari. »« Ma chère amie, j'ai touché 15 000 francs. 10 000 de la dame et 5 000 francs du prince. » C'était donc un prince. La faramineuse se mordit les lèvres. Sainte Thérèse a dit: « Nous avons dans le cœur la source des larmes qui lavent nos péchés. » Janina, qui avait tant pleuré, pleura encore. Son mari ne retourna pas chez la faramineuse, ni elle non plus. Ainsi s'achève Janina, 2e des 12 nouvelles d'Arsène Houssaye.